Escuelas oficiales de idiomas de Andalucía. Francés. Nivel intermedio. Comprensión oral. Tarea 1. Escuche la grabación. Elija la mejor opción. A, B o C. El texto se escuchará 3 veces. Ahora dispone usted de 2 minutos para leer las preguntas. Franceinter.fr. Grand angle ce matin sur le stress des chirurgiens, anesthésistes, obstétriciens français. Un tiers d'entre eux serait en burn-out. C'est ce que montre une enquête que dévoile France Inter ce matin. Cette enquête ne sera rendue publique que ce soir à Lyon, à l'occasion des 12e rencontres de la Fédération hospitalière privée qui regroupe les hôpitaux et les cliniques privées. L'étude pointe un niveau de stress très supérieur à la moyenne nationale pour tous les praticiens qui exercent en plateau technique lourd. Écoutez ce reportage de Valérie Cantier. Nous l'appellerons Jean, il a 49 ans, il est chirurgien orthopédique. Il exerce en libéral depuis 14 ans sur plusieurs cliniques. 12 heures de travail par jour, levé 6 heures, retour à la maison 21 heures, 5 à 8 opérations quotidiennes et plusieurs fois, il a craqué. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, soit suite à un véritable échec technique, une complication très mal vécue par un patient, soit suite à des problèmes familiaux qui sont venus interférer dans ma vie professionnelle, soit à des véritables pics d'activité. J'ai rencontré à plusieurs moments des syndromes réellement d'épuisement, chute du moral, des troubles du sommeil, une anxiété, une peur quelquefois même d'opérer, des sortes de blocages dans la vie socio-professionnelle, une difficulté à débuter la journée. Et on voit d'ailleurs que cet épuisement passe au cours des succès différents qu'on rencontre dans la journée, mais ça se réactive un peu tous les soirs, toutes les nuits. On a des réveils nocturnes, on a des insomnies, des anxiétés qui sont récurrentes. De plus en plus de paperasse qui rallonge le temps de travail, de plus en plus de risques de poursuite. Une course à la productivité ont eu raison de sa santé, sans oublier bien sûr la pression qu'il s'impose lui-même. On a souvent un peu honte d'avoir rencontré une difficulté. C'est certainement lié à notre personnalité de chirurgien. On a toujours envie de réussir. Je ne dirais pas qu'on se prend pour des hommes supérieurs, mais je pense que c'est plutôt la volonté de rendre service au patient et de lui rendre ce qu'il attend. Et sa déception devient notre déception. Il lui aura fallu 7 ans de suivi psychologique, des groupes de parole avec d'autres médecins, des stages de gestion de stress pour s'en sortir. J'essaie de restreindre mon activité, j'essaie de contrôler le choix des patients que je veux opérer. J'ai réduit

Este es el final de la tarea 2.